fin d'une histoire. Maître d'armes mélancoliques qui s'enfonce dans le noir. Vivre, c'est toujours se remettre en question. Autant avoir les bonnes pour trouver les bonnes réponses. La beauté est un tout, il faut apprécier la bonne moitié. Essaye de raisonner un faux, au fond il ne l'est qu'à moitié. Souvent j'apprécie la vie et son côté sombre. Souvent ma joie est cachée dans mon ombre, dans mon sourire, dans ma voix, ma façade. Le meurtre de mon cœur a laissé du rouge écarlate. On se fuit en marquant la distance, mais moi je fais face, face, face à une feuille blanche. Délivrance, qui est devenu ce joli mot, je pense, qui s'est perdu comme un sage parmi les sots. Lire mes écrits, c'est lire un livre ouvert. Le tragique de la vie, tu vois, c'est d'être ordinaire. Savoir étant en moi, j'écris pour le découvrir. Les fluves de mon encre m'emmènent dans mon délire. On sera tous damnés de la terre, car la vie c'est un milieu, un début et un terme. L'envie c'est le désir qui s'échappe de la raison, et souvent ce qui m'échappe à moi c'est mes émotions. Mon but, trouver l'équilibre, mais comment faire quand c'est la passion qui vous dirige. Minutieux, en quête d'harmonie, je m'applique et fais attention à la moindre de mes lignes. Les sentiments sont éternels, ou ce n'est que la continuité de l'éphémère. Toute leçon est bonne à prendre dans la vie comme dans les livres présents par milliers de tonnes.